106.3 FPP, la jungle des luttes, émission proposée tous les troisièmes lundis du mois par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est retransmis le jeudi matin, le quatrième jeudi matin de 8h à 9h30. Et donc le comité de solidarité est en solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte et notamment créé après le soulèvement zapatiste au Mexique, au Chiapas en 94. Et comme très souvent, les zapatistes fêtent le 1er janvier, date anniversaire de ce soulèvement, justement, en 94. Et donc là, 31e anniversaire. Donc vous êtes invités par les zapatistes, en tous les cas ceux qui sont adhérents au Voyage pour la vie, dont on a déjà parlé, puisque ça a été l'occasion pour les zapatistes de venir rencontrer l'Europe insoumise. Et donc, si vous avez déjà participé à un collectif qui était adhérent au Voyage pour la vie et que vous avez un peu lâché les nouvelles du Chiapas, vous avez la possibilité de vous connecter au site d'Enlace Zapatista, où il y a donc les textes en général traduits en plusieurs langues. Il y a également le site du CSPCL. Et donc, la possibilité de nous écouter donc, tous les troisièmes lundis du mois, où on ne parle pas que des zapatistes, et pas du tout, puisque le comité de solidarité depuis son fondement. Et nous, c'est justement les 30 ans qu'on va fêter prochainement. L'idée, c'est de faire des ponts entre les luttes. Et donc, justement, on vous invite pour fêter ces 30 ans à un concert le 12 janvier. Donc, j'en profite de le dire, puisqu'on ne se reparlera pas sur les ondes de FPP avant, et donc c'est le 12 janvier donc 2025 au CICP les concerts CCC Collectif Contre Culture à l'occasion de nos 30 ans. Il y aura Binamé et puis encore d'autres groupes. L'affiche est quasi complète, mais pour le moment on n'a pas encore tout confirmé, mais en tous les cas on vous y attend. En tous les cas, l'idée c'est de toute façon de s'amuser et aussi de se rencontrer autour de la solidarité internationale, comme c'est aussi un peu l'objectif de notre émission, de donner la parole à ceux qui sont solidaires et sur plusieurs terrains, pour certains, d'autres qui ne sont pas forcément solidaires, mais justement en lutte. Et on les remercie d'être intervenus sur notre radio tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, on sera justement avec Didier, qui est parti à la cueillette d'olives et qui va nous raconter justement ce moment, ce séjour, cette aventure sur les territoires palestiniens. Et donc, on sera avec lui. Et puis, on vous rappelle également qu'on aura une petite lecture de texte en hommage à une journaliste indépendante d'ISTAP, parue dernièrement et impliquée avec justement la Palestine et qui montrait beaucoup de solidarité, aussi une implication journalistique. Et donc, on vous invite à lire les textes des zapatistes récemment sortis, enfin, comme l'année dernière où ils avaient fait toute une série de textes. Là, il y a encore toute une série de textes qui a été publié par les zapatistes et notamment écrit par le sous-commandant Marcos, puis Feu Soup Galeano et aujourd'hui El Capitan. Et de nous rencontrer également, on vous propose tous les premiers mercredis du mois. Donc, on est passé de tous les mercredis au un mercredi sur deux, et puis finalement un mercredi par mois. Mais c'est, on est toujours là, donc c'est le premier mercredi. Donc, exceptionnellement, comme là, le premier mercredi sera le 1er janvier, on se retrouvera le 8 janvier. Donc, au CICP, non plus à la CNT, qui est en travaux, et justement, on a célébré la dépense des ondes crémaillères de la CNT au 33 rue des Vignoles. Donc il y a des travaux, normalement la CNT devrait y revenir. En tous les cas, ce lieu historique, quasi mythique, va prendre une autre figure. Donc on a justement célébré cette journée de dépense des ondes en retirant les plaques qui justement avaient rappelait ce qu'était ce territoire, ce 33 rue des Vignoles. Donc voilà, c'était un petit peu long, mais c'était l'idée un petit peu de vous dire tout ce qu'il y avait éventuellement à regarder à côté. Et puis justement, en parlant aussi de cette fin d'année, si jamais pour ceux qui sont au Mexique, il y a donc ces rencontres qui ont lieu avec deux jours de, de rencontres, mais je vous raconterai peut-être un peu plus tard en détail ce qui se passera. Et puis, sinon, remerciements à tous ceux qui ont participé au soutien de l'achat de la péniche chez Raffine. Si vous nous avez écoutés, vous avez entendu parler de remise à flot et de cette vente de péniche. Et donc, ça y est, on a réussi à trouver les sous. Et donc, c'est vraiment magnifique d'avoir eu rien que des dons. Et donc, on va pouvoir éventuellement s'endetter s'il y a des travaux à faire. Mais en attendant, on peut acquérir cette péniche et donc poursuivre ce projet, c'est-à-dire continuer à naviguer sur les canaux et les fleuves, sachant que maintenant, il n'y a plus que des petites barquettes de touristes. Et aussi soutenir ces producteurs qui, depuis des années, puisque ce réseau existe depuis 27 ans, tous ces producteurs qui donc fournissent de bons produits et avec lesquels on serait légal. Et donc, cette distribution a lieu à l'automne tous les ans. Donc, on aura l'occasion de vous en reparler pour faire votre commande en mai-juin. Donc, d'ici là, on a le temps. Et on va faire une pause musicale. Et ensuite, on commencera peut-être avec la lecture du texte. Et ensuite, on sera avec Didier. Musique. Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faits, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leurs dédains et leurs sourires, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère, des damnés de la terre, et celui des familles à qui ont perdu un frère. La consecuencia, autodefensa, quemarlo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemarlo amargo, amar creando la resistencia. Ruido, no quiero estar. Ruido, contra el abuso policial. Ruido, silencioso y marginal. Ruido, en esta ciudad. Una noche fría. Si tu louves tes fichiers, si tu bouges tes pistes, leur état d'urgence, c'est pour mieux t'asphyxier, c'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et nos espaces de liberté rétrécissent, climat répressif, les lois se durcissent, violence policière, perquise arbitraire, justice à deux vitesses, l'étau se resserre sur, bien sûr, les fragiles et les précaires, sur ceux qui résistent, sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais, il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. FPP, c'est la jungle des luttes, donc j'ai complètement zappé. Mais on avait quand même un entretien à vous faire passer, qui était lié à un territoire un peu, enfin, qu'on connaît partout, la question des violences policières et notamment à une journée à Rennes le 7 décembre à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de Aboubacar. Et donc des copains du CSPCL étaient sur place pour faire un petit entretien qu'on vous passe là aujourd'hui. Et donc ensuite, on enchaînera plus sur la Palestine. Bonjour, nous sommes chez Arène, chez Awa, avec Fatou, Jacob et Awa, et Véronica. Donc nous allons faire une petite entrevue pour raconter un peu ce que nous faisons ici. Et voilà, tout le monde va se présenter. Awa. Oui, bonjour. Je m'appelle Awa Gueye, je suis la sœur de Babacar Gueye, qui a été assassinée par la police de la BAC le 3 décembre 2015 à Quartier Mopa à Rennes. Hier, c'est les commémorations pour la 9e année de mort de Babacar, mon petit frère. Babacar, il avait 27 ans. Il était sans papier. Et Babacar, il a fait un an avec moi. Pendant un an, il faisait beaucoup d'activités collectif à Rennes. Et ce qui s'est passé le 3 décembre 2015, Babacar, il était chez un ami et il a pris un couteau de table, il se mutilait parce qu'il a passé la nuit là-bas. Son ami l'a appelé les pompiers pour avoir aide. C'est la police de la BAC qui sont arrivés. Et ils sont 4 polices de la BAC et 4 polices de nationale. Ils sont pas sachés à aider Babacar. Et les pompiers, ils sont bien arrivés avant, mais ils ne sont pas sachés aussi monter pour l'aider. C'est la BAC qui est montée. Ils ne sont pas sachés l'aider. Ils ont tiré 5 balles à Babacar. Et Babacar, il a les premières balles qu'il a reçues, c'est une balle létale qui l'a arraché la vie. Et après les balles, ils sont monotés Babacar pendant des heures jusqu'à ce que c'est les amis qui demandaient on enlève les monotes pour qu'on passe voir si ça peut il peut revenir à vie, mais c'est trop tard, il est déjà mort. Et depuis, je lutte avec toutes les familles des victimes qui sont de membres de réseau aussi, parce que moi je suis une des membres de réseau Entraide, à laquelle il y a des familles des victimes et des vivants survivantes. Voilà. Et Fatou, tu étais aussi à la marche hier. Alors, est-ce que tu peux présenter ton réseau? Oui. Alors, moi, je suis du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng. 25 ans, assassiné par la police le 17 juin 2007 à Paris dans le 20e. Et par clé d'étranglement et plaquage ventral. Et aussi membre, comme Awa l'a dit, du réseau d'entraide Vérité et Justice, qui est un réseau qui a été constitué principalement par des premières et premiers concernés de violences d'État, donc à savoir violences policières, pénitentiaires, psychiatriques, judiciaires, racisme d'État aussi, et des personnes survivantes aussi de ces violences-là. Et on lutte toutes et tous ensemble pour justement organiser des commémorations, des marches annuelles aussi, de se soutenir mutuellement, de mettre en place des outils pour continuer la lutte et aussi de pouvoir apporter des conseils juridiques entre nous et aussi d'accompagner d'autres personnes, d'autres familles endeuillées ou des personnes survivantes. Et donc hier, j'étais à la marche, comme chaque année, pour soutenir Hawaï en hommage à Babacar et à toutes les victimes. Jacob aussi, tu étais là hier. Est-ce que tu peux présenter ton collectif ? Oui, absolument. Moi, je m'appelle Jacob Bergson, je viens de Brighton. Je suis un membre de Brighton Migrant Solidarity, solidarité avec les migrants en Brighton, et aussi de l'Amphone. Je milite là-bas pour les sans-papiers, spécialement pour les logements. Et oui, j'étais ici, j'étais là hier. Première chose, parce que Babacar a été assassiné, il n'y avait pas de justice. Mais aussi parce que pour moi, c'est la même lutte, c'est contre le racisme. On n'a pas la liberté de circulation ni d'installation à cause de racisme, de la racisme de l'État. Et c'est la même raison que Babacar a été assassiné. clairement, il faut faire le lien international, transnational, pour liberté pour tous, pour justice pour tous. Et à toutes. Merci. Et donc, Awa, tu organises cette marche. Donc là, c'était la 9e année. Et est-ce que les perspectives sont déjà prévues pour la suite ? Bon, du coup, oui, pour la 9e année d'hier de mort de Babacar. Et depuis, je réclame la justice et vérité pour mon petit frère Babacar. Et du coup, moi, parce que je trouve que c'est normal que quand un policier est assassiné un imam, tout simplement, on doit te juger, on doit avoir procès. Mais la plupart de nous, des familles des victimes, ont obtenu pas. C'est difficile pour qu'on avoir des procès. Il faut qu'on se batte pour que ça soit. On arrive à avoir un procès pour que les assassins, là, ils nous expliquent devant nous. Mais ils sont protégés par l'État. Mais voilà, du coup, chaque année, depuis sa mort, on m'annonce un nouveau lieu. À chaque fois, j'ai continué mon combat. Jusqu'à même l'année dernière, encore, ils ont annoncé un nouveau lieu. Mais malgré ça, avec le temps de Bretagne, bah, on est résisté. On a fait la résistance et on a marché, crié, comme d'habitude, à tous les noms des familles des victimes. Et du coup, voilà, du coup, le combat continue, pas de justice, pas de paix. Ouais. C'est vrai qu'il faut peut-être préciser pour les auditrices et les auditeurs qu'hier, il y avait 90 km/h de vent et pas mal de pluie, mais ça ne nous a pas arrêtés. Ouais. Et est-ce qu'il y a des dates de prévues à annoncer, peut-être à la radio pour les prochaines mobilisations ? Fatou ? Concernant le réseau, chaque année, il y a des marches qu'on fait contre les violences d'État et le racisme d'État. Donc pour 2025, ça sera le 15 mars. Et le week-end d'après, c'est la Marche des Solidarités qui organise aussi une marche partout en France aussi autour du racisme. Et le dernier dimanche du mois de mai, c'est un événement, donc manifestation ou autre, autour des violences pénitentiaires et la condition des détenus. Voilà, donc à organiser partout en France. Voilà, et à Rennes, il y aura quelque chose aussi ? Ben, pour l'instant, je n'ai pas encore relancé, mais c'est mon objectif de faire une manif pour toutes et à tous, parce que c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent autour de petites villes, et que les gens, forcément, ils ne sont pas au courant ou ils ne savaient pas. Donc, du coup, nous, c'est en tout cas les luttes, le réseau Entraide, du coup, nous, on élargit le combat plus large possible. Et aussi, il y a une date de programme bientôt à la ZAD, Notre-Dame. Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Et c'est des Kranzbodercamp. Et la date. Du 5 au 10 août. Oui, le 5 au 10 août, pardon. Le 5 et le 10 août 2025. On invite à toutes et à tous, Ronouzouane. Et désolé pour mes Français. Et surtout pour. Pour la marche aussi, pour la marche, le 15 mars. Le 15 mars, c'est important. On appelle tout le monde voilà. Venir nous joindre, soit à Rennes ou n'importe quelle ville qui a approché les gens qui peuvent nous soutenir, qui va organiser. On demande à tout le monde et à toutes nous rejoindre. Voilà, donc tous les événements, ils seront mis en ligne sur vos sites militants préférés suivant vos régions. Et donc pour Paris, ce sera évidemment sur le site du réseau d'entraide Vérité Justice. J'imagine que la marche de Rennes sera annoncée dessus aussi. Pareil, parce voilà. Que ces marches-là annuelles, ouais. C'est à l'appel du réseau d'entraide Vérité Justice. Donc ce voilà. Sont des marches que les comités de victimes organisent depuis 2010-2011. Et l'objectif, c'est de pouvoir justement faire partout en France. Donc c'est l'appel du réseau. Et le réseau, justement, les comités qui en sont membres ne sont pas que de Paris. Donc là, comme par exemple le comité, le collectif Justice Vérité pour Babacar Gaye et de Rennes, il y en a d'autres aussi sur Lyon, d'autres sur Paris, sur Marseille, enfin on est un peu

en Palestine. Et donc, c'est à cette occasion qu'on s'était rencontrés et que, justement, je t'avais entendu nous faire ce récit de ces jours et cette solidarité internationale qui doit justement pouvoir prendre une figure concrète aussi, puisque c'est souvent aussi ce dont on a besoin pour vraiment comprendre aussi ce qui se passe, c'est d'aller sur place. Et justement, on profite de ton récit. Merci à toi d'être là avec nous ce soir. Échangeons les merci. Merci à vous de m'inviter, comme ça, de me permettre de faire la suite de mon voyage, puisque quand on part, ensuite, on s'engage à témoigner. Donc, je l'ai fait une première fois au concert Contre Culture où tu m'as entendu. Et voilà, là, je le fais une deuxième fois. Et s'il y a des auditoristes qui ont des idées pour des troisième, quatrième et cinquième fois, je suis preneur, puisque c'est ça l'idée, c'est de voyager, aider et témoigner. Avant de directement témoigner de ce dont j'ai pu être témoin sur place, je vais parler de l'organisation dont tu as cité déjà le nom là. On peut le redire, l'Union des comités du travail agricole. Donc c'est l'Union des comités du travail agricole. Et je vais même le dire en arabe si jamais il y a des auditeurs, des auditrices arabophones. De l'autre côté, c'est l'Ittihad al-Lijan al-Amal al-Zira'i. Voilà. Et en anglais, si on le cherche sur Internet, en anglais, il faut faire avec l'acronyme en anglais. C'est là qu'on le trouve le mieux, c'est UAWC. Voilà, UAWC, donc c'est avec E et L que je suis parti. Et donc la première info, c'est que c'est possible d'y aller. Voilà. Donc peut-être avec, on est abreuvé d'images sur les réseaux sociaux de colons qui attaquent les paysans palestiniens, les agriculteurs et agricultrices palestiniens, palestiniennes. Et c'est vrai, ça arrive très, très, très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Et pourtant, dans cet état de guerre larvé, on peut aller en Palestine. C'est possible de rentrer. Moi, je suis passé par Amman, voilà, en Jordanie. Il y a même des vols pas chers du tout. On peut trouver des Ryanair Marseille-Amman pour 30 euros. C'est possible d'aller à Amman, et de Amman on passe la frontière pour aller en Cisjordanie. La frontière est aux mains de l'entité sioniste israélienne, donc on passe entre leurs mains. Voilà, on peut pas dire qu'on va en Palestine parce que tout de suite on devient suspect, mais on peut dire qu'on va à Jérusalem. Et moi, alors qu'il y a un état de guerre et le cessez-le-feu n'était pas signé avec le Hezbollah quand je suis allé, bah, j'ai dit je vais en Jérusalem et je suis rentré. Voilà, donc la première info, c'est que c'est possible d'aller en Cisjordanie, ça paraît loin. En fait, ce n'est pas si loin que ça. Cette organisation, c'est une organisation, donc l'UAWC, c'est comme ça que je vais l'appeler avec l'acronyme anglais, c'est comme ça qu'elle est le plus connue. C'est une relation qui est à cheval entre le syndicat et l'association, l'ONG. Ça a commencé par un syndicat dans les années 80, fondé par des membres du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, et qui, avec le temps, s'est transformé en plus une association qu'un syndicat, mais qui garde des activités syndicales et qui, aujourd'hui, l'UAWC, c'est la branche palestinienne de la Via Campesina, donc la grande fédération de syndicats paysans internationaux, et donc ils défendent une agriculture paysanne contre une agriculture industrielle, en plus d'être évidemment un outil au service de la lutte de libération de la Palestine. Ils défendent une libération de la Palestine sur le territoire historique de la Palestine. Et c'est une organisation palestinienne qui ne travaille pas avec les organisations israéliennes. Et ils ont pour habitude, depuis des années, de faire venir des volontaires, souvent occidentaux, mais pas que. Il y a aussi des volontaires dits du sud global, du tiers-monde, qui viennent aussi pour aider au moment de la cueillette des olives, parce que la cueillette des olives, c'est un moment critique pour la société palestinienne, puisque les colons qui occupent la Cisjordanie choisissent ce moment pour s'en prendre aux Palestiniens et pour gâcher, empêcher la collecte des olives, qui est vraiment le cœur battant de la société palestinienne, là où les familles aussi se retrouvent. Au-delà de l'économie, c'est un moment aussi où les familles se retrouvent pour ensemble récolter les olives. Et malgré les conditions terribles actuelles, ils ont décidé à l'UAWC de maintenir cette cueillette, alors que cette saison de cueillette des olives a été particulièrement violente, avec des attaques particulièrement nombreuses et particulièrement sévères, avec des arbres arrachés, des arbres incendiés, des paysans et des paysannes attaqués, parfois avec des armes à feu. Ils ont maintenu, et ils ne sont pas la seule organisation à le faire, il faut aussi le préciser, il y en a d'autres organisations, chacun a sa méthode. L'UAWC, en fait, envoie les volontaires dans les zones qu'on appelle C. Alors là, il faut un tout petit peu connaître comment fonctionne la Palestine depuis les accords d'Oslo. Il y a trois zones, A, B, C. A, c'est quelques territoires, les grandes villes, qui sont à 100% dirigées par l'autorité palestinienne. Les zones B, elles sont, c'est des autorités mixtes sionisto-palestiniennes. Et les zones C sont sous contrôle sioniste, colonial. On va dans les zones C, et c'est là où c'est le plus... où il y a le plus de besoin de manifester sa présence. C'est là où les colons se sentent le plus libres d'agir à leur guise, en toute impunité, puisqu'ils sont dans des territoires contrôlés par leur État, l'État sioniste israélien. Pour autant, on n'a pas été non plus dans des champs qui ont été officiellement déclarés interdits à la récolte, parce que zone militaire, parce que on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a tout un régime d'autorisation agricole qui fait que les Palestiniens et les Palestiniennes ont ou n'ont pas accès à leurs champs. Et dans ces champs dont l'organisation savait qu'ils avaient été interdits, on n'y a pas été. On a été dans des champs qui sont à proximité de colonies, sous la menace des colons qui peuvent potentiellement venir à tout instant agresser, empêcher, plus ou moins violemment, on ne sait pas. Moi, je dois dire, je vais le dire tout de suite, à peine de faire le duel suspense, je n'ai pas assisté à de telles violences. J'en ai été le témoin, on me les a racontées, mais moi-même, je n'ai pas assisté à de telles violences. Mais ça arrive que des volontaires soient confrontés, soit directement aux colons, soit aux militaires israéliens, coloniaux. Et c'est parfois aussi très difficile de faire la différence entre les deux, entre les militaires et les colons, puisque ça marche main dans la main. Et qu'on ne sait pas toujours qui est qui. Les colons eux-mêmes, parfois, s'habillant en militaire pour brouiller les pistes et se donner plus d'autorité. Et ce n'est pas la seule activité que fait l'UAWC. C'est une association, c'est un syndicat. Donc, ils ont toutes sortes d'activités typiques d'un syndicat agricole. Ils montent des coopératives pour qu'il y ait du matériel mis en commun. Ils aident à des projets d'irrigation, notamment le creusage de puits. Et puis là, en ce moment, là, leur actualité d'activité, ce dont ils sont très, très fiers, c'est qu'ils ont participé à un projet international de conservation de semences dans le cadre de risques de perte de semences à cause du réchauffement climatique. Il y a une île au nord de la Norvège où il y a une mine abandonnée, où il fait très très froid et on peut garder, disent les scientifiques, au moins pour 2000 ans, sans risque, des semences sans qu'elles soient détériorées. Et l'UAWC a fait un gros travail de récolte de semences et de reproduction de semences pour en avoir des semences les plus énergiques possibles. Et ils ont passé tous les stades de la sélection et ont été acceptés. Et aujourd'hui, voilà, je crois que c'est plus de 100 semences, je crois, si je ne me trompe pas, sont conservées dans une île, les semences palestiniennes, authentiques, originales, cultivées aujourd'hui par les agriculteurs et agricultrices palestiniens, sont conservées au même titre que d'autres semences internationales dans une île au nord de la Norvège. Et ainsi, on peut espérer que là aussi, la lutte se poursuit avec le maintien des semences palestiniennes qui repousseront. Dans 2000 ans, elles seront encore là. Elles sont congelées, là. Voilà, donc, dans 2000 ans, donc, les sionistes, ils ont intérêt à avoir de la patience, parce que là, on est parti déjà encore pour 2000 ans de lutte, là, minimum. Et voilà, alors... Peut-être je commence à raconter les villages, ce que j'ai vu. Oui, peut-être juste, tu pourrais dire si les personnes qui sont intéressées pour justement y participer et voudraient juste avoir 3 infos au-delà d'aller sur les sites. Du coup, il y a une inscription en amont, t'es formé en amont ou c'est en arrivant sur place que tu rencontres des gens. Oui, merci de... Te dit où tu vas, comment. Oui. Enfin, parce que du coup, voilà, on part pas tout seul en cherchant sur place après, c'est l'association, c'est peut-être mieux d'anticiper, j'imagine, avant de prendre son billet. Absolument, surtout que ta question, elle me fait rappeler qu'il y a un truc important que je dois dire, c'est que la saison des olives, c'est 15 octobre, fin novembre. Donc là, c'est fini et on peut se dire à m'écouter que il faut attendre l'année prochaine. Pas du tout. Vu la situation assez dramatique que vit aujourd'hui la Palestine dans son ensemble, l'UAWC a décidé de maintenir la venue d'internationaux tout au long de l'année, indépendamment de la saison des olives, en envoyant... Parce qu'il n'y a pas que la cueillette non plus. Il n'y a pas que d'olives. Il y a un autre groupe palestinien qui est très visé par le colonialisme. Ce sont les Bédouins qui font paître moutons et chèvres pour leur lait et pour la viande. Et par exemple, moi, en fait, je n'ai pas fait que la cueillette des olives. J'étais aussi dans une installation bédouine et je me suis improvisé berger en aidant les Palestiniens là-bas. Et ça, il y a du boulot de ferme, en fait. Voilà, il faut nourrir les bêtes, il faut... toute l'année. Donc, en fait, vu que le réseau d'agriculteurs et d'agricultrices à l'intérieur de l'UAWC est très, très grand, toute l'année, ils peuvent trouver des lieux, des communautés, ils disent... installer des volontaires. Donc oui, on peut aller sur le site, trouver un contact, écrire et dire qu'on veut participer. Ils ont appelé ça Bouclier de la solidarité, à la campagne Bouclier de la solidarité. Et on sera contacté. Et oui, il y a un formulaire en ligne à remplir. Et oui, il y a un briefing avant. Ce n'est pas exactement une formation. Il y a un briefing avant pour quand même expliquer comment ça va se passer. Le cadre. Ensuite, voilà, on se met d'accord. Si on veut vraiment partir, on envoie ses dates. Voilà. On prévient qu'on va arriver. On arrive, on va au siège du syndicat, l'UAWC, à Ramallah, voilà, qui est très facile d'accès. Moi, je l'ai fait depuis Amman jusqu'à Ramallah. C'est très facile à faire. Il n'y a que le moment du passage de la frontière où il faut juste dire qu'on va... à Jérusalem et c'est tout. Et puis, ensuite à Ramallah, deuxième briefing avec les membres de l'association que l'on rencontre. Ils ont des bureaux tout à fait classiques. Moi, je suis resté, je crois, 48 heures à Ramallah. Et puis ensuite, je me suis retrouvé dans un village. Alors, j'étais avec 4 autres volontaires. Il y avait un Français, une Française, une Italienne et un Néerlandais. On avait tous des profils différents. Le Français, la Française, c'était des militants marseillais proches du syndicat Sud. L'Italienne, c'était une militante décoloniale. Et le Néerlandais, il était plus là en mode woofing. Il était jardinier de métier, mais il connaissait bien la question palestinienne. Il voulait aussi en apprendre. Il partait pour 3 mois. Moi, je suis resté que 15 jours, je dois dire. J'ai fait un voyage très court. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire quand même. Mais il y en a qui partent un mois et demi. Le temps de s'adapter. Puis les déplacements sont longs. Pensez à un minimum 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 3 mois. Enfin, voilà, le Néerlandais était là pour 3 mois. Il y a des questions de visa aussi, peut-être, non ? Non, on peut rentrer quand on passe la frontière. Enfin, c'est plus de 3 mois. On a des visas de plus de 3 mois, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, est-ce que... Je ne sais pas. Non, mais c'est bon. À se renseigner, combien de temps on a le droit de rester. Peut-être que 3 mois. Oui, je crois que c'est 3 mois. C'est pour ça que je dis que du coup, en général, c'est... Et je dois peut-être aussi préciser que moi, je suis arabophone. Mais ce n'était pas le cas des autres volontaires. Il n'y a pas du tout besoin d'être arabophone pour faire ce voyage-là. Parler un peu anglais peut-être Pas mal de Palestiniens parlent anglais. Donc ce n'est pas le cas partout. Mais en fait, l'anglais plus le langage des signes, en fait, on s'en sort très très bien. Et les conversations, y compris quand je n'étais pas là, entre les volontaires et les Palestiniens, se passaient. C'était très riche. C'est des échanges très riches. Justement, parle-nous un petit peu de ce premier village et puis comme ça, on fera une petite pause musicale, mais on a quand même envie d'en entendre déjà un petit peu maintenant. Bon, ce premier village, donc il s'appelle El Mreyer. Il est à côté de Ramallah. Il a défrayé la chronique en avril 2024 parce qu'il a été très sévèrement attaqué par les colons. Mediapart a fait un article pas mal sur ce qui s'est passé dans ce village. Si on cherche des articles de Mediapart d'avril 2024, on trouve donc le voilà. Si on le dit à la française, donc pour chercher El Marayer, voilà, GH pour le voilà. Et ça a été très sévère. Il y a eu des bâtiments de brûlés, il y a eu des personnes blessées avec par coup de feu, il y a eu un décès. Et évidemment, donc moi quand j'y vais, on est en novembre, donc on est 6 mois après, mais c'est encore dans tous les esprits. La famille dont on a aidé à collecter, récolter les olives avait eu 2 fils qui ont été blessés aux jambes. Ils ont pu être soignés, voilà, mais ils ont reçu chacun une balle dans la jambe. Et cette attaque, elle est encore dans tous les esprits. Et on allait malgré tout, voilà, dans un champ qui était à côté d'une colonie. Et on savait qu'à tout moment, les colons pouvaient venir. Et dans ce champ-là, ils se sont approchés. De ce que j'ai compris, moi, après, bon, dès qu'il y a excitation, il y a plusieurs versions. De ce que j'ai compris, moi, ils se sont annoncés. C'est-à-dire ils ont mis une espèce de sirène de pompiers ou les sirènes qu'on trouve sur les mégaphones. Et puis, les Palestiniens ont vraiment l'habitude de repérer le moindre bruit suspect. Voilà. Donc, en fait, on a su qu'ils venaient et on a pu s'éloigner calmement. Pour éviter un face-à-face, tu veux voilà, dire. Pour ouais. éviter un face-à-face. Si on restait, il y avait un face-à-face. Et les Palestiniens, en tout cas ceux et celles avec qui on était, n'avaient pas envie qu'il y ait un face-à-face quand nous... Ça évite de perdre sa vie, ouais. Et potentiellement, ouais. ça peut être très violent. On ne sait pas du tout à quel... voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait et on ne sait pas non plus combien ils sont quand ils vont venir et n'empêche que voilà donc on s'est éloigné et puis finalement certaines sont remontées chercher l'ensemble des affaires dont des machines parce que les olives ça se récolte en partie avec une machine une espèce de longue tige avec deux petits moteurs au bout qui font tourner un espèce de balai brosse qui frotte qui brosse l'arbre, les branches et les olives pleuvent littéralement et ça aussi c'est un truc qu'il faut dire peut-être on se demande est-ce que j'ai la capacité physique d'aller cueillir des olives si on n'a jamais fait en fait oui vraiment moi je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude des travaux des champs et oui en fait tout le monde peut vraiment le faire donc on est vraiment utile c'est-à-dire on aide la main d'œuvre tout de suite qualifiée quoi. C'est-à-dire on arrive, on cueille quoi. Il n'y a pas de formation, les olives, on cueillait absolument tout, tout est bon, il n'y a rien à jeter, on prend, la machine, on l'utilise, c'est une évidence, on peut le faire à la main, on peut le faire avec un peigne, ensuite il faut ramasser par terre les trucs qui tombent à côté, ensuite il faut trier un petit peu les feuilles et les olives pour ne pas mettre trop de feuilles dans les sacs ensuite, parce qu'ensuite quand on va au pressoir, eh ben, le pressoir, on paye au poids, donc s'il y a trop de feuilles, c'est un peu con, et puis on ne veut pas de feuilles dans la presse. Voilà. Mais en fait, on est utile. Quoi. C'est-à-dire vraiment, on peut, voilà, il n'y a pas besoin d'une forme physique exceptionnelle ou d'avoir l'habitude. Hop, on arrive, on bosse. Quoi. Voilà. Et donc, on faisait ça quand les colons se sont approchés. On s'est éloignés calmement. Et voilà. Moi, je ne les ai pas vus. Dans ceux et celles qui sont remontés chercher les affaires qu'on avait laissées, ils les ont vus de loin. Et c'était un cas typique, nous ont dit les Palestiniens, de colons qui sont en habit militaire. Et donc, du coup, on n'est jamais très sûr de... qui sait, des militaires, des... Quelle action ils ont prévue voilà. véritablement Qu'est-ce qui était prévu? Surtout que dans ce village, les militaires, ils sont pas loin. Ça, on sait qu'il y a une base militaire pas loin. Et ils ont pris l'habitude, pour effrayer les Palestiniens, de tirer la nuit. Donc souvent, les nuits du village sont égayées, si je peux dire, de tirs de coups de feu pour empêcher les Palestiniens de dormir. Donc on ne sait pas trop, en fait, qui c'est. Donc on... L'expression consacrée, c'est colon, mais souvent les Palestiniens, quand ils parlent de réservistes. Et voilà, pour dire entre colon et militaire. N'empêche que ce champ-là, il a été récolté. Voilà, il a été récolté, mais un des effets très négatifs de cette menace permanente, c'est que les olives n'étaient pas aussi belles que ce qu'elles auraient pu être si ce champ n'était pas sous la menace permanente des colons. Pourquoi? Oui, parce qu'ils peuvent moins entretenir régulièrement. C'est ça, et... c'est ça. Aller dans ce champ, comme c'est un champ qui est en zone C, il est en zone C, il est à proximité des colonies, donc y aller, ça veut dire être nombreux, ça veut dire être vif, ça veut dire être prêt à éventuellement un affrontement. Ça demande tout un état d'esprit, une organisation. On ne peut pas y aller tranquille comme ça, comme on pourrait faire dans notre champ, avec les enfants, en famille, bonne ambiance. Ça ne peut plus être ça. Et donc, les arbres n'ont pas été taillés, la terre n'a pas été amendée. Et donc, l'olivier était quand même un arbre assez extraordinaire, dois-je dire, découvert, parce que même quand il n'y a pas un entretien de ouf, il donne. Il donne bien, les olives sont bonnes, elles ont du goût, l'huile sera bonne, mais il n'y a pas autant que ce qu'il aurait pu être si s'il n'y avait pas cette menace permanente du colonialisme. Et donc, il y a l'aspect économique, on a moins d'huile à la fin, mais il y a aussi en fait la déstructuration vraiment de la communauté villageoise, puisque ce temps d'être ensemble, communautaire, ne peut pas avoir lieu sous la menace. On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite sur la cueillette des olives et plus encore la solidarité internationale avec ces communautés en Palestine. تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناك علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بالشرف ونزاهة وحياتك وتلك قضية وتلك قضية سددت أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة ومن أين الدباب مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين بين كما شئت فايدان لما يجري جوه السلخان مش هخف برود الدان ولا قادر اتركه لصباح تلك قضية هذا كفاية Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, toujours en direct jusqu'à 20h30. Et donc, nous sommes avec Didier qui nous parlait de son expérience dernière, enfin, il y a peu. Oui, je suis revenu il y a 3 semaines. Et avant que je reprenne, un petit mot sur la chanson qu'on vient d'entendre, dont je ne suis pas très sûr du titre. Je crois que c'est Tilkar Kadaria, ce qui littéralement veut dire cette affaire. Et cette affaire, ça veut dire cette affaire palestinienne. Et si j'ose dire, c'est peut-être pas très élégant de ma part, mais c'est comme un peu la bande-son du génocide. Elle est sortie il y a quelques mois. C'est un groupe égyptien qui l'a faite. Tout le monde l'écoute. Dans le monde arabe, elle est pas égyptienne, elle est arabe, la chanson. Et elle dénonce surtout le deux poids, deux mesures, puisque c'est un génocide occidentalo-sioniste auquel on assiste en ce moment à Gaza. Et c'est le fond de la chanson. Ça fait un lien avec Gaza, ça fait aussi un lien avec, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'organisation avec laquelle je suis parti, l'UAWC, est aussi présent à Gaza. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont présents. Ils essayent autant que faire se peut de la distribution de nourriture, mais vous savez qu'elle est quasiment interdite. Dans le nord de Gaza, elle est complètement interdite. Dans le sud, elle est au compte-gouttes. Voilà. Et donc, ils font aussi des appels à dons financiers. Donc, sur le site, on peut aussi donner de l'argent à l'UAWC pour qu'ils puissent essayer autant que faire se peut d'aider les Palestiniens de Gaza. Si je continue... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais te dire, écoute, on était dans le village avec toi. Dans le village, alors je vais lire le SMS d'un copain là, kurde qui m'a écrit pendant la chanson et qui écoute en ce moment l'émission. Et donc, peut-être parce qu'il est kurde, il connaît bien les oliviers. Et alors, il écrit « Les olives sont très importantes, les capitales savent très bien ça. » Les capitales, peut-être vous voulez dire les capitalistes. Un olivier met 100 ans à pousser. Tous les oliviers du Kurdistan, Afrin, ont été détruits par l'actuel gouvernement syrien en 2017. Voilà, donc il fait un parallèle entre... Voilà, on détruit l'olivier, on détruit une société. Oui, parce que malheureusement, en fait, ce qu'on observe dans tous les pays, nous, on observe, puisqu'en France, c'est à moindre échelle. Mais ce que souffrent tout un tas de justement, notamment les paysans, ces personnes qui travaillent la terre et dont c'est la base pour nous, là, toute l'humanité, que ce soit au Mexique ou en Syrie, comme le copain vient de le rappeler, on enlève de quoi, enfin, la source première de vie des peuples. Et donc, à partir de là, si l'olivier, c'est la base de la culture, comme le maïs. Au Mexique, forcément, tu es en train d'exterminer, la volonté, c'est d'exterminer les peuples et leur culture et leur... Ouais, moi, pendant une cueillette, je demandais... Au-delà de la question économique, parce qu'on en était resté justement un peu là-dessus, c'est-à-dire, oui, il y a l'aspect tout à fait économique. Donc oui, 100 ans pour qu'un olivier puisse donner, heureusement, avant 100 ans, mais comme le pied de café, c'est 5 ans avant qu'il puisse donner des fruits. Donc il y a l'aspect économique et aussi l'aspect culturel et la dignité de ces peuples qui est... Oui, bah, moi, je demandais à un Palestinien avec qui on cueillait, avec sa famille, si lui, il aimait faire ça. Et il m'a regardé comme si je posais la question la plus idiote du monde. Enfin, c'était vraiment... La saison des olives est un moment de joie, en fait. Hein, c'est du travail, mais c'est de la joie. Oui, ils ont tous tout le temps fait ça depuis toujours. Oui, ils l'ont fait depuis toujours. Hein, c'est vraiment un moment où on est ensemble, quoi. Là, j'allais m'apprêter en fait à raconter un deuxième village où on a été, qui s'appelle Adder, qui se trouve dans la vallée du Jourdain, pas loin de Ariha, Jéricho, en français. Et c'est aussi, avant de rentrer dans le village, c'est le moment de dire un peu des éléments de contexte de l'état de la colonisation. Parce que ce que je vais dire, c'est vrai pour toute la Cisjordanie, mais c'est encore plus vrai pour la vallée du Jourdain. C'est que, comme tu as dit en introduction, moi j'avais été en Palestine il y a 20 ans et j'ai pu vraiment voir qu'en 20 ans, enfin, la colonisation a largement avancé. Que ça nous plaise ou non, c'est un état de fait. Aujourd'hui, le chiffre officiel de nombre de colons, rien qu'en Cisjordanie, je ne parle pas des territoires de 48, c'est 700 000. Et quand on se balade en Cisjordanie et encore plus dans la vallée du Jourdain, il y a des colonies partout. En fait, quand tout à l'heure je disais, on était dans un champ, il y a une colonie à côté. En fait, il y a toujours une colonie à côté maintenant. Et il y a des drapeaux israéliens partout. Et même, ils instrumentalisent le chandelier juif à cette branche traditionnelle comme un signe de l'État colonial qu'ils mettent dans les carrefours, au rond-point, le long des routes, pour marquer la présence juive absolument partout. Il y a des colonies, c'est de véritables petites villes qui abritent certainement des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes. Voilà, il y a ce qu'on appelle des avant-postes. Les avant-postes, c'est des espèces de préfabriqués, comme ça, complètement isolés, mis quelque part, mais qui permettent ensuite de dire « Ah ben non, là, c'est un endroit militaire. Ah ben non, dans ce champ, vous n'avez plus le droit d'aller. Ah ben non, sur cette route, comme elle mène à l'avant-poste, vous ne pouvez plus aller. » Et puis quand on fait un avant-poste, eh ben, il faut le protéger. Alors quand pour le protéger, eh ben, il faut faire un mur. Ah ben pour faire le mur, il faut expulser telle maison. Voilà. Et ça, c'est omniprésent maintenant. C'est absolument partout. Et dans la vallée du Jourdain, qui est une vallée, c'est agricole, le village où on était, Adder, il est connu comme un peu un des endroits où il y a une réserve d'eau, il y a beaucoup d'eau. Donc c'est vraiment propice à l'agriculture. Eh bien, la colonisation s'est accaparée des hectares par dizaines, par centaines, dans laquelle ils font de l'agriculture intensive capitaliste, l'inverse de l'agriculture paysanne pratiquée par les Palestiniens. Ils ont des champs d'agrumes, ils ont des champs de dattes, ils ont des champs de maïs, ils ont du raisin, voilà, à perte de vue, quoi. Et ça appartient aux colons, et les Palestiniens cultivent parfois leurs champs juste à côté des colons. Parfois, ils doivent aller travailler chez l'occupant, parce qu'il faut bien bouffer, parce qu'il faut bien travailler. Voilà. Pour autant, les colons préfèrent parfois faire venir une main-d'œuvre étrangère, souvent d'Asie du Sud-Est, qui va être plus chère que la main-d'œuvre palestinienne, parce que la loi impose de leur prendre une assurance santé, alors que pour les Palestiniens, c'est open bar, on peut les employer sans assurance santé. Et ben, même si les Palestiniens sont moins chers, parfois on préfère, pour vraiment être sûr que... La maîtrise de la situation. Et que les Palestiniens soient vraiment poussés à partir. Ouais. Donc leurs terres sont accaparées, l'eau est accaparée. Mmh. Et là, voilà, c'est dans ce contexte-là que je vais vous raconter en fait ce que m'a raconté un vieux du village, un type qui est né de mémoire je ne sais plus si c'est... oui, je crois que c'est en 47, il est né, je crois, ou 67, j'ai un doute. Mais enfin, en 47 ans, il était vieux quand même. En 47, il m'a raconté... Il aurait 80. Il approche les 80, et donc il m'a raconté l'histoire de son village, il s'appelle Adder. Adder, donc lui, il dit, jusqu'en 67... Il décrit Adder comme un village prospère. Prospère, ça veut dire que c'est un village où il y a un moulin et il y a deux magasins. Voilà. En 67, donc, c'est la guerre, c'est l'invasion sioniste de ce qui n'est pas, de ce qu'on appelle pas encore la Cisjordanie, qu'on appelle la Transjordanie, qui est un territoire qui inclut aujourd'hui ce qu'on appelle la Jordanie, et qui est occupé par l'entité sioniste. Et ce village-là, il est massacré en 67 dans le cadre de cette occupation, y compris par des égorgements, y compris par des égorgements d'enfants. Tout le village s'en va. Il y en a qui vont dans la grande ville d'à côté, qui s'appelle Toubas, et il y en a qui vont en Jordanie, puisqu'ils ont des rapports de Pour eux, la Jordanie n'est pas un pays étranger, et on est vraiment dans la vallée du Jourdain, donc c'est sur l'autre côté de la vallée. Là, on est sur un côté de la vallée. Il suffit de passer de l'autre côté de la vallée, et on est en Jordanie. Donc, voilà. Et donc, le village est vidé. Ensuite, le village est effacé par les colons. Aujourd'hui, il ne reste plus rien comme trace de ce village, si ce n'est deux dalles de béton, dont une un peu surmontée comme ça de petits murs. Voilà. On ne voit absolument plus rien. Et puis, avec le temps, les gens sont quand même revenus dans leur village, petit à petit. Voilà. Le monsieur qui m'a raconté cette histoire, il est revenu reconstruire une ferme dans ce village il y a 40 ans. Voilà. Sauf que la loi coloniale a dit « Non, non, vous n'avez pas le droit de construire. » Et donc, en fait, maintenant, ils vivent dans des espèces de tentes. Voilà, c'est des arceaux, en fait, sur lesquels ils ont mis des bâches et dans lesquels ils vivent avec les moutons. Donc, ils élèvent. Il y a une ferme, il y a 5 familles, ça fait à peu près 50 personnes qui sont là. Il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des poules, il y a des ânes. Ils font du mouton et des chèvres. Sauf que leur village n'existe plus. Ils ont posé leur tente à côté et ils n'ont pas le droit de construire. Ils ont fait un recours devant un tribunal, je ne sais pas lequel, pour avoir le droit de construire. Non seulement ce recours est gelé depuis 10 ans, il n'avance pas, mais pour que le recours reste ouvert, ils doivent payer chaque année. Chaque famille paye pour avoir un recours qui reste ouvert, mais qui n'est jamais jugé. Et donc, eux, ça leur donne l'impression d'être des locataires dans leur propre village. Et ce qui est terrible à voir, c'est vraiment ce village... Oui, surtout qu'ils sont locataires de rien du tout, en plus. En plus de rien du tout. Et ce qui est terrible à voir, c'est qu'ils, littéralement, ils campent à côté de leur village détruit. Voilà. Et ça dure depuis 40 ans. Et leur situation, elle ne va pas en s'améliorant. Non seulement il y a ce recours qui reste pendant, comme ça, dans les airs, et qui ne donne rien, mais leur espace pour le pâturage des moutons se réduit, puisque... constamment, les colons s'accaparent des terres, comme ça. Pendant qu'on y était... Et donc, eux, ils cultivent ou ils construisent sur ces terres qu'ils prennent, enfin, ou les deux, parce que du coup, effectivement, on a l'impression, quand on voit quelques images, qu'il y a énormément de constructions sur ces terres qui sont envahies. Mais du coup, eux, ils produisent pas d'agriculture. Si. Enfin, ils gardent des parcelles pour quand même cultiver également. Absolument. Ils peuvent construire. Ils prennent les terres pour aussi les cultiver. Ils peuvent construire. Ils peuvent construire, mais ils gardent aussi pour cultiver. Parfois, ils prennent la terre pour cultiver. Moi, je suis resté dans ce village uniquement 3 jours. En 3 jours, il y a eu 3 hectares de volées, 8 pompes à eau de volées et des compteurs électriques de détériorés. Ça, c'est en 3 jours. La manière dont ça s'est... Et les colons se rapprochent de plus en plus. Il y a un système d'irrigation pour les champs aux alentours de la ferme qui est fondé sur des sources naturelles d'eau. Et ces sources, en fait, les Palestiniens, depuis des années, les ont transformées en... Il y a des bassins. Et des bassins dans lesquels les Palestiniens, l'été, où il fait très très chaud, dans la vallée du Jourdain, l'été, ça monte à 45 degrés quasiment chaque année, on se baigne dans les sources, en fait. C'est assez grand pour se baigner. Et bien, les colons, ils ont commencé à venir se baigner. Et au départ, les Palestiniens... ont rien dit. Bon, ils se baignent. Ils se baignaient. Mais là où ça devient complètement délirant, c'est qu'ensuite, les colons, ils ont demandé aux Palestiniens d'arrêter de prendre l'eau pour irriguer les champs, parce que sinon, il n'y avait plus d'eau pour se baigner. Donc là, les Palestiniens, ils ont essayé de parlementer, de dire que ça ne va pas. Enfin, non, en fait, oui, on se baigne dedans, mais c'est d'abord de l'eau d'irrigation. Et en fait, à partir de là, ça a dégénéré. Les colons se sont plaints, et quand les colons se plaignent, en fait, ils ont tous les droits. Donc en fait, les pompes à eau pour irriguer ont été volées pour que les colons puissent se baigner, se rafraîchir. En fait, ils ont transformé un bassin d'irrigation. Ouais, c'est ça, en retirant les pompes, ils étaient sûrs qu'ils allaient plus pomper l'eau. Quoi. Et donc, ils ont construit une table de pique-nique, des balançoires, ils viennent avec de la bière et ils jettent leur détritus comme ça, tranquille, comme à la piscine. Quoi. Et comme m'a dit un Palestinien, de toute façon, tu ne peux rien faire. Si tu fais quelque chose, ils t'insultent, ils te frappent, ils appellent la police, l'armée et ils te traitent de terroriste. Voilà. Et donc, bon, pour ce... Donc là, ce bassin dont je parle, ils l'utilisent encore, ils remettent constamment des pompes. L'autorité... Donc grâce à l'organisation, justement, à l'Union qui... À l'UAWC, ça peut arriver, va trouver des fonds, on va racheter des pompes, on va remettre une pompe, ils vont se la faire casser, ils vont se la faire voler, on va la remettre. Ouais, c'est la résistance, hein, comme le terme. Alors, c'est de résister à cette guerre permanente, contre-insurrection, le modèle qu'il y a eu au Mexique aussi. Il s'approche, c'est ce que les Palestiniens en arabe appellent le soumoud. C'est le fait de s'entêter, s'accrocher, ne rien lâcher, opiniâtrement. On reste, on continue, coûte que coûte. Voilà. Et ça, ils le font tout le temps. Parfois, alors, l'autorité palestinienne, ça peut arriver que l'autorité palestinienne va aussi remplacer une pompe ou une armoire électrique. Mais l'autorité palestinienne, j'en ai entendu que du mal. Au mieux, on disait qu'elle servait à rien. Au pire, on les traitait de collabos. Et pendant qu'on était dans ce village, comme il y a eu des vols, ils sont venus. Et alors j'ai demandé, mais pourquoi viennent-ils s'ils ne vont rien faire? Et on m'a dit, ils font les comptes. Alors constamment, ils viennent constater, ils prennent des photos, et ils comptent combien de trucs ont été volés, ça combien ça coûte. Ça permet d'avoir des chiffres. Il y a des chiffres, voilà. L'autorité parisienne, elle chiffre. Bon, après, on ne sait pas trop ce qu'elle fait avec ces chiffres, mais elle chiffre. Et donc, voilà, ce village, ils vivent comme ça. Donc, ils savent de moins en moins où aller faire paître les moutons. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ils ne savent pas, la famille dans laquelle on était, ils ne peuvent pas savoir si vraiment, en fait, ils vont pouvoir rester dans cette installation. Jusqu'à quand ça va pouvoir durer. Quand. Et donc là où c'est à la fois beau et moche, c'est qu'ils construisent dans la ville d'à côté de Tamoun une maison pour la famille. Voilà. Pour être sûr d'avoir un endroit à un moment ou un autre. Si jamais, pour se réfugier. Si jamais. Et puis, il y a quand même en fait un fils de la famille qui a renoncé à l'élevage, qui s'est mis dans l'agriculture. Et donc, il ne vit plus dans l'installation à côté du village, puisque l'installation, elle est vraiment quand même assez précaire. Et donc, c'est vraiment ceux qui sont dans l'élevage, qui ont besoin d'être là, qui vivent là. Et lui, il s'est mis dans l'agriculture. Donc, en fait, il vit à la ville et puis il va au champ depuis la ville. Et le soir, il rentre chez lui. Donc, la maison, elle a déjà 4 étages. Il y a déjà un étage qui a été habité. Et puis, parfois, ils s'en servent quand il y a quand même des belles occasions. Il y a des naissances, il y a des mariages, il y a des fêtes. Et donc là, bah, il y a une belle maison pour bien recevoir, etc. Puisque dans l'installation, bah, on ne peut pas recevoir de manière digne, puisqu'ils n'ont pas le droit de construire. Donc, c'est vraiment... voilà, encore une fois, c'est des arceaux, des bâches dessus et des matelas, même le sol, quoi. On fait une petite pause musicale, il y a un petit morceau, il est court celui-là, mais ça permet de faire une petite pause avant de passer à la suite. 106.3 FPP, on est toujours sur avec la jungle et des luttes. Des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Récolte le darmois. Des pierres contre des fusils. Ici j'ai des mots contre un système pourri. C'est la guerre mes frères, ouais c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre des pierres, ouais c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre mes frères, ouais c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre des pierres, ouais c'est la guerre. J'ai les poches de pierre. C'est la guerre mes frères, ouais c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre des pierres, ouais c'est la guerre. C'est la guerre. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On est de nouveau avec Didier qui est parti sur les territoires palestiniens récemment pour faire de la cueillette, mais aussi rendre visite à des... et peut donc aider c'est des bergers. Des éleveurs, en tous les cas, élèvent... Des bergers, moutons et chèvres, des bédouins, en arabe on dit badou, eux-mêmes se définissent comme bédouins. Il n'y avait pas d'olives là où on était, et c'est pour dire que voilà, on peut partir avec l'UAWC toute l'année. La preuve, nous, comme c'était la fin de la saison, il n'y avait pas forcément du boulot dans les champs d'oliviers. Et ben là, on a filé un coup de main dans les moutons. Et là aussi, hein, c'est comme les olives, très vite, on est utile. Il n'y a pas besoin. Et tu as parlé de date aussi tout à l'heure. Il n'y a pas que récolte de date. Peut-être, mais je suis pas. T'as pas entendu parler de ça. Je suis pas au fait. Et les moutons, on est parti les faire paître à un moment, par exemple, dans un champ de maïs qui venait d'être récolté. Donc, il y avait une partie du champ de maïs qui avait été récoltée et puis une autre partie qui n'avait pas été récoltée. Il fallait faire en sorte que les moutons, ils restent bien dans la partie récoltée du champ de maïs. Ils nettoient comme ça. Et qu'ils nettoient, ils mangent ce qui reste et tout, mais qu'ils ne touchent pas au reste. Donc, il faut être vigilant. On a donné à manger aux moutons et aux chèvres. On a aidé à dresser une bâche sur des arceaux, là, parce que en fait, l'hiver commençait à tomber et c'était là, un abri pour les bêtes. Il fallait que ce soit plus réchauffé. On était utile. C'était pas un peu physique. Là. Des travaux de ferme, en fait, comme il y en a partout dans le monde, rien de très original. Mais on est utile. Il n'y a pas trop de main-d'œuvre. Et du coup, vous êtes logé chez les personnes. Ah, oui, ils sont logés chez les personnes. Et donc, vous mangez avec eux, vous dormez avec eux. On dort avec eux, on mange avec eux. On passait les soirées autour du feu avec eux en buvant café et thé. C'est pas café ou thé, c'était café et thé. En mangeant du maïs aussi, puisqu'il y a du maïs. En grignotant les graines, évidemment, parce qu'on mange des graines. Et puis, peut-être quand on dit on mange avec eux, potentiellement, on représente un coût. Là, les auditoristes peuvent se dire vous représentez un coût. Alors, est-ce que du coup, c'est vraiment intéressant de partir en vendant un coût? En fait, l'UAWC, ça, une partie des fonds que l'UAWC arrive à récolter et des cotisations qu'ils obtiennent, en fait, permet de compenser les coûts d'accueil aux familles qui reçoivent des volontaires. Donc il y a le côté, oui, nous, on apporte une main-d'œuvre ponctuelle et gratuite, il y a une compensation, et puis il y a aussi un lien qui se crée. Et en fait, ce lien qui se crée là, il a vocation à perdurer ensuite, et les témoignages à être véhiculés. Et donc, ce coût peut être justifié, en fait, parce qu'il participe à la lutte, quoi. C'est justifié. Je peux enchaîner, si tu veux, avec un troisième village. Le troisième que j'ai fait en 15 jours. C'est un peu moins triste comme village. Il s'appelle Batir. Il est à côté de Bethléem. On dit village, mais c'est un gros bourg, quoi. C'est un peu plus prospère. Il est en partie épargné, c'est-à-dire là aussi, la colonisation est partout, les colonies sont partout, ils sont tout proches, etc. Mais il est un peu protégé dans le sens où, jusqu'à maintenant, je n'ai pas regardé les infos hier, ça se trouve, ça a déjà changé, il n'y a pas eu d'intrusion, d'incursion, d'attaque de colons à l'intérieur de Batir. Une des raisons à cela, c'est qu'il bénéficie, Batir, d'une réputation parce qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Parce qu'à Batir, il se trouve qu'il y a, toujours en état de fonctionnement, un système d'irrigation de puits et de canaux et des champs en terrasse. Je ne l'ai pas dit, mais la Palestine est un pays de collines. Et donc, c'est jamais plat. C'est on monte, on descend, on monte, on descend. Et donc, les cultures sont souvent en terrasse. Bon, pas dans la vallée du Jourdain, évidemment, mais dans le reste du pays, en terrasse. Et ces terrasses-là, cette irrigation et ces puits datent à Batir de l'époque romaine. Et donc, il y a tout un dossier qui a été monté. Ils ont obtenu d'être classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc, ça crée un peu de tourisme, y compris occidental, y compris intra-palestinien. Et il y a une certaine prospérité, malgré que le tourisme s'est complètement arrêté, qui ressort de Batir. Il y a un petit centre historique qui a été rénové, où on peut voir ce système d'irrigation fonctionner. Et puis, ça a surtout permis à Batir d'échapper à être coupé en deux par ce que les sionistes appellent le mur de sécurité, qui est un mur d'annexion, puisque le mur d'annexion suit... la frontière de la Cisjordanie, et que ça coupait Batir en deux. Et bon, bah là, quand même, le poids de l'UNESCO a fait que non, en fait, le mur ne passe pas par Batyr. Et donc, Batyr reste dans son intégralité. N'empêche qu'on retrouve complètement la dimension d'apartheid propre au colonialisme, puisque le village est quand même traversé par une ligne de chemin de fer qui est réservée aux porteurs de la nationalité israélienne. Les Palestiniens n'ont pas le droit de monter dedans. La seule exception, c'est si c'est des Palestiniens porteurs de la nationalité israélienne vivant à Jérusalem. Voilà, c'est la seule exception. Ou sinon, c'est un train typique du système d'apartheid mis en place par le colonialisme. Il est réservé aux Juifs, comme disent les Palestiniens. Les Palestiniens ne s'embarrassent pas de précautions lexicales. C'est aux Juifs, quoi. Et donc là, on a fait des olives à Batyr. On a été dans des champs comme ça, en terrasse, cueillir les olives. On a pu voir, par exemple, un puits romain, toujours en état de fonctionnement, rénové par les Palestiniens et permettre d'arroser. Mais là aussi, alors c'est le village d'avant où on faisait des moutons. Par exemple, on savait, par exemple, quand on est parti faire paître les moutons, on savait que les colons étaient venus une heure avant parce qu'on voyait des traces, par exemple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai jamais été confronté directement aux colons, mais je savais, dans le premier village, à Mreyer, on a dû à un moment donné partir. On savait qu'ils n'étaient vraiment pas loin. À Edder, le deuxième village, on savait qu'ils étaient passés juste avant que nous, on arrive. La présence est vraiment, vraiment très, très, très proche. Là, à Batyr, on cueillait dans des champs où on voit la colonie en face, parfois très très grande, parfois juste un avant-poste, comme j'ai dit tout à l'heure, deux baraquements posés sur une colline. Alors il faut dire aussi, les colonies et les avant-postes, c'est toujours au sommet des collines. Hein, et donc ça change complètement la géographie, puisqu'en fait, on a tout le temps le sentiment d'être un peu dominé. Il y a vraiment un côté château fort, quoi. C'est-à-dire, pof, on prend le sommet, et donc il y a pour l'entité sioniste, une vision à 360 degrés autour de l'implantation. Et donc partout où vous levez la tête, bah, vous voyez sur les sommets, quasiment partout, des implantations. Et donc on cueillait, on n'a pas été du tout embêté, mais cette impression de présence... D'être surveillé en quelques... D'être surveillé, bah, d'ailleurs on se demandait... si on était surveillé, par exemple, on se demandait s'ils nous regardaient à la jumelle, si, parce que c'est vraiment en face, quoi. C'est-à-dire, nous, on est sur une colline, ensuite, il y a la pente, il y a la vallée, et puis il y a la colline d'en face, et c'est en face, quoi. Et donc, même sans jumelle, s'il y a un être humain qui c'est pas loin, enfin, on voit, bien quoi. Sûr. Entre un olivier et un humain, on voit. On voit. On peut distinguer, et donc on se sent surveillé. Dans ce village là, la famille qui nous a accueillis, qui était beaucoup plus mieux logée que la famille du deuxième village où j'ai parlé, où c'était vraiment précaire, des conditions minimales. Là, on est des conditions minimums. Là, on était dans une maison qui était tout à fait correcte en termes de confort. Et la famille qui l'a logée, elle est très investie dans l'UAWC, le syndicat avec lequel je suis parti. Et l'UAWC a aidé la mère de famille à monter une coopérative. Ça a été toute une longue histoire qui a plusieurs années maintenant. Ça a été très difficile d'être reconnu association par l'autorité palestinienne, mais ils ont réussi. Et aujourd'hui, il existe à Batyr une coopérative de femmes qui a plusieurs activités, des activités de transformation des produits agricoles, donc qui viennent eux-mêmes des produits de Batyr, des activités de broderie, ça c'est assez connu dans la culture palestinienne, c'est la broderie, chaque village, dit-on en Palestine, a sa broderie, sur les robes des femmes, on peut reconnaître les motifs et savoir de quel village elle est, rien qu'en regardant le motif qui est brodé sur les robes des femmes palestiniennes. Donc les femmes perpétuent ces broderies. Elles font aussi des bijoux, elles font aussi des accessoires de décoration pour la maison. Et elles ont un, surtout, très important, elles ont un lieu de réunion, en fait. Voilà, elles ont un lieu de réunion pour faire des formations diverses et variées. Et donc, on est passé voir cette coopérative, puisqu'on était logé par une des membres les plus actives de cette coopérative. Et donc là, quand on y est passé, bah, y avait des femmes. Et on a entendu des histoires. Et parmi les histoires qui m'ont que j'ai retenues, il y a, y a la mise en place par l'autorité sioniste à travers l'autorité palestinienne d'un régime agricole. Qu'est-ce que j'appelle un régime agricole ? C'est-à-dire qu'il y a des champs dont le statut, c'est... Moi, depuis tout à l'heure, je vous parle de champs qui ont été soit interdits, carrément déclarés zone militaire, par exemple, et donc on ne peut plus y aller. Ou si on y va, c'est à ses risques et périls. Et il y a des champs qu'on va dire contestés, c'est-à-dire qui sont à proximité des colonies, et les colons, ayant jouissant d'une immunité la plus complète, n'hésitent pas à attaquer. Et puis, il y a une troisième catégorie qui sont des champs soumis à autorisation. C'est ça que j'appelle le régime agricole. Et donc, il y a une femme qui nous a raconté qu'elle, elle a des champs, et que ces champs-là, depuis cette année, depuis cette saison, là, tout d'un coup, on lui dit « Ah non, non, pour aller à tes champs, en fait, il te faut une autorisation ». Cette autorisation, il faut la demander à l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne, elle-même, n'obtient l'autorisation que des autorités sionistes, coloniales, qui les donnent au compte-gouttes. Et cette femme, pour récolter, je crois, 300 arbres, on lui a donné 15 jours pour toute la saison. Voilà, ce qui est très, très peu, ce qui complique la récolte de manière absolument invraisemblable. Et elle n'est évidemment pas la seule dans ce cas-là. Quand elle a commencé à raconter, une autre a raconté qu'elle avait eu 3 jours pour récolter, je crois, 70 arbres de mémoire. Donc c'est très compliqué de récolter 70 arbres en 3 jours. Le boulot qu'on dit, il n'est pas difficile, le boulot, mais il prend du temps. Il faut quand même des mains. Il faut des mains. Sur un arbre qui donne, il y a un paquet d'olives. Et donc, en fait, elle a pu réussir à récolter ces 70 arbres en 3 jours parce qu'en fait, elle a embauché. Donc, ça a des coûts. Et puis, c'est le comble, en fait, parce que en fait, les oliviers donnaient pas beaucoup, parce qu'elle n'a pas accès à ses champs. Et donc, comme elle n'a pas accès à ses champs, eh bien, la récolte est moins bonne. Et donc, en trois jours, en embauchant, elle s'en sort. Mais elle s'en sort avec une petite récolte. Et autour de Batir, il y a 3 vallées qui constituent le village de Batir. Eh bien, ces 3 vallées-là, elles sont soumises à un régime d'autorisation de ce type-là dont je viens de parler. Et on va bientôt... On va écouter une troisième musique, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis, donc, redonne bien le UAWC, donc c'est l'Union. Voilà. Toi, tu vas lire une lettre. Je redis ce que c'est, Union des comités du travail agricole. Absolument. Et donc là, on a dit en Cisjordanie, parce que c'est là qu'il y a leur antenne, mais il y en a dans d'autres pays, c'est ça que... Oui, l'UAWC, en fait, c'est la branche palestinienne de la Via Campesina, la grande fédération de syndicats paysans. Et j'insiste sur le mot paysan, parce qu'ils défendent une agriculture paysanne, c'est-à-dire non industrielle. Voilà, UAWC. Bon, bah merci beaucoup pour ton récit. On va faire la petite pause musicale et après, je vous lirai une lettre concernant la disparition d'une journaliste indépendante qui a assez beaucoup investi justement en Palestine. 106.3 FPC, c'est la jungle des luttes. On finit bientôt. Musique. العمر لو يطول لو حتى كان قليل أفضل طول عمر أقول أنا بكره إسرائيل أفضل طول عمر أقول أنا بكره إسرائيل بكره إسرائيل حد يلحق يا سادة إسرائيل يقف لها ده عاملة حرب إبادة على غزة كلها عاملة حرب إبادة على غزة كلها على غزة كلها عاملين زي الديابة شعب كله سفاح بيحاربوا ناس غلابة ما عندهمش سلاح بيحاربوا ناس غلابة ما عندهمش سلاح ما عندهمش سلاح ده عالم مستفزة خلاص الكل طفع نازلين ضرب في غزة وقريب قريب من رفح نازلين ضرب في غزة قريب من رفح قريب من رفح أنا كل يوم أبيت جوايا في مرار وكل طفل ميت بيقيد في قلبي نار وكل طفل ميت بيقيد في قلبي نار بيقيد في قلبي نار بحر تحت الأقصى محدش قال غلط وكلهم في كارثة خلاص عيالهم فلت كل يوم في كارثة خلاص عيالهم فلت خلاص عيالهم فلت هيعيشوا ويموتوا أعداء ودولة مفترية واللي ما عندوش انتماء اتجوز إسرائيلية اللي ما عندوش انتماء اتجوز إسرائيلية اتجوز إسرائيلية مش قبل ما يمشي ناوي يقلبها مدعكة من يوم وش بلاوي مولود في معركة من يوم وش بلاوي مولود في معركة. 6.3 FPP, tu voulais dire un petit mot oui, sur la musique. Je voulais dire un petit mot sur cette chanson parce qu'elle n'est pas connue du tout ici, mais elle est très connue en Égypte. C'est aussi une chanson égyptienne, c'est de la pop égyptienne, du charabi égyptien, comme on dit. Et je vais juste vous dire le titre et le refrain. En arabe, c'est Bakra Israël et ça veut dire Je déteste Israël. Voilà. Merci à toi. Et donc, je vous lis la petite lettre qui est passée par une copine du CSPCL. Et donc, il s'agit de Marine Vlahovic, figure lumineuse du journalisme engagé, qui a incarné bien plus qu'un simple métier. Avec sa plume incisive et sa voix vibrante d'humanité, elle a été une véritable conscience dans un monde trop souvent sourd aux luttes des peuples opprimés. Après avoir enquêté sur le décès d'un militant écologiste, Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive lancée par un gendarme lors d'une manifestation contre le barrage à Sivens, Marine est devenue correspondante en Cisjordanie où elle a tissé des récits empreints de vérité, dévoilant un courage rare, les souffrances et les espoirs du peuple palestinien. Elle n'était pas seulement une observatrice, elle était une alliée, une militante du droit et de la dignité humaine. À travers ses reportages, elle a donné un visage, des voix et des noms à ceux que l'histoire tend à effacer. Aujourd'hui, animée par la convergence des luttes, Marine voyait la cause palestinienne comme un écho universel des combats pour la liberté et la justice, transcendant les frontières et les identités. Dans son podcast « Carnet de correspondante », elle y dépeint les conditions de travail des Palestiniens, mais surtout les conditions de vie de ce peuple pour qui elle s'est liée d'amitié. Des amitiés dont elle trace les portraits touchants tant bien que mal par des bribes de conversations vocales, tant bien que mal elle déconstruit le fantasme de la reporter de guerre. Excusez-moi. Pour nourrir un combat intime. Combat qu'elle poursuit depuis son retour en France par l'envoi de colis humanitaires pour Gaza depuis Marseille. Après l'attaque du 7 octobre, Marine s'est rendue en Égypte aux portes de Gaza avec la ferveur volonté d'y entrer et d'en faire sortir un bon nombre de familles, de ses amis. Marine Vlahovic laisse un héritage inestimable, celui de la parole en résistance, du témoignage inlassable et de l'engagement total pour la vérité. Elle nous rappelle que le journalisme peut et doit être une forme d'action au service des sans-voix. Son départ est une perte immense. Nous espérons connaître les conditions de sa mort très prochainement. Son combat reste vivant dans les cœurs de ceux qui continuent à croire en un monde plus juste. Que sa mémoire inspire celles et ceux qui luttent pour la paix et la justice partout où elles sont menacées et que son travail de documentariste inspire nos générations à poursuivre les combats sociaux et environnementaux qui ronge la terre entière. Voilà, merci. La Lucha Sigue, on se retrouve le mois prochain, troisième lundi du mois. Et vous pouvez nous réécouter le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Et sinon, voilà, nous, c'était le CSPCL, la jungle des luttes. Merci. Caballo.